Épilogue. L'ennemi. C'est un endroit magnifique, dit Elsa Arman. Avarkris l'accompagnait. Ils avaient laissé Stellan Gios à l'inauguration en pleine conversation avec plusieurs membres du conseil. Elzar et Avar cheminaient sur un long sentier traversant l'un des modules de jardin du flambeau stellaire, une immense bulle de transparacier dans laquelle on avait construit de longues passerelles en spirale. La base de la sphère était remplie de la terre d'origine d'un monde appelé Qualé, une petite planète à gravité basse en lisière de la bordure extérieure. Dans ce sol poussaient de grands arbres fins et élégants qui frôlaient l'autre extrémité de la sphère, 300 mètres plus haut. Suspendus à leurs branches bleues vives, des rideaux de végétaux ondulaient de la canopée jusqu'au sol. Ils arboraient des couleurs qui variaient du rouge à l'orange en dégradés gracieux sur toute leur longueur. Les courants d'air les agitaient et ils oscillaient en répandant des fragrances d'encens. Le sentier en spirale permettait de traverser les rideaux de plantes tandis qu'ils dansaient et s'ouvraient par endroits et que de minuscules insectes et oiseaux bioluminescents voltaient parmi eux comme des étincelles, chaque arbre possédant son propre écosystème. Depuis le centre du jardin, avec la vue que donnaient les parois en transparacier sur l'espace, on avait presque l'impression de se trouver autour d'un gigantesque feu de camp et de contempler la nuit. Oui, en effet. Reconnu Avar. Et rien qu'à nous, ajouta Elzar. Personne d'autre ne semble l'avoir encore découvert. Ça ne durera pas. Je suis sûr que certains partiront de la fête et finiront par le trouver. Des couples en quête d'un coin tranquille où personne ne les dérangera sans doute. Alors profitons-en tant que ça dure. Ils poursuivirent leur ascension dans le bruissement des rideaux de flammes végétales. « Regarde-nous un peu. Deux maîtres Jedi qui profitent ensemble d'un moment de sérénité. Pas croyable, non? Je commençais à me dire que ça n'arriverait jamais. » Avar lui sourit. « Je savais bien que le conseil finirait par t'élever au rang de maître. Je n'en ai jamais douté. » « Facile à dire pour toi. Tu l'es devenu il y a déjà quelques années. Eh, le conseil sait reconnaître le talent. » C'est prévu pour quand? Bientôt, j'imagine. Il faudra que je me présente devant le conseil sur Coruscant. Une simple formalité, en fait. Je doute que cette promotion bouleverse autant ma vie que la précédente. C'est juste. Le passage de Padawan à Chevalier Jedi. C'est là que l'on comprend réellement. Que l'on prend conscience du choix que l'on fait. Elle laissa sa phrase en suspens. Il pensait probablement à la même chose. Au moment partagé lorsqu'ils étaient Padawan, des instants tolérés, assez courants, mais auxquels il fallait renoncer une fois que l'on devenait adulte au sein de l'ordre. Il n'avait plus parlé de ces moments depuis très longtemps, et pas autrement que par allusion. Mais les souvenirs n'étaient jamais bien loin, en particulier lorsqu'ils se retrouvaient ensemble. Cette époque, qui datait de bien des années, leur semblait soudain très proche, très prégnante. Avar s'arrêta. Elzar fit un pas avant de se rendre compte qu'elle ne le suivait plus et il se retourna pour la regarder. Il haussa un sourcil. Elle lui tendit la main. Il la prit, la considéra puis dévisagea Avar Kriss, son amie. Le regard qu'elle lui adressa ressemblait à l'océan dans lequel il puisait au fond de lui, à la force profonde et infinie, impossible à appréhender tout à fait. On aurait pu s'y noyer. « Nous sommes des Jedi », dit-il. En effet. Elle détourna les yeux et lui lâcha la main. Il reprit pied, mais peut-être qu'au fond de lui, il le regrettait. Ils poursuivirent leur chemin. « Ils m'ont confié la station », annonça Avar. « Quoi ?»« Le commandement du contingent de Jedi affecté au flambeau stellaire. Maintenant que Maître Jorah est morte, c'est à moi qu'ils ont confié la charge. » Je crois que j'ai impressionné le conseil après ce qui s'est passé sur Etzal, et ensuite, et... Oui, tu es très impressionnante, dit Elzar d'une voix douce. Le sentier s'élevait encore au travers des flammes. J'ai affaire sur Coruscant, ajouta-t-il. des recherches dans les archives. Ce que nous avons accompli sur Hetzal m'a donné toutes sortes d'idées inédites concernant la façon dont le côté lumineux pourrait nous parler. Je sais que le Conseil ne comprend pas toujours ce que j'essaie de faire, mais je suis un maître désormais. J'ai l'impression que c'est le moment de prouver à l'ordre combien je peux lui être utile. Oui, répondit Avar aussi bas que lui. Nous ne nous verrons plus aussi souvent. Tu crois que nous nous sommes trop habitués à passer du temps ensemble ? Avons-nous commis une erreur ? Non, dit-elle sur un ton assuré. C'est ce que je pense aussi. Et nous resterons en contact. Oui, nous pourrons parler chaque fois que nous le souhaiterons. Grâce au projet de Relais-Com de la chancelière Sceau, ça n'aura jamais été aussi facile. C'est sûr. Ils avaient atteint le bout du sentier, le sommet de la spirale où une sortie débouchait sur le reste de la station. D'ici, ils percevaient les échos des festivités, ténus, mais attirants. On dirait que la fête bat son plein. Tu veux que l'on aille prendre quelques verres de ce qu'ils servent? Et puis, je n'aurais rien contre l'idée de danser. Et si nous allions danser, maître Jedi Elzarman? Il se demanda ce qu'elle pensait du regard qu'il était en train de poser sur elle. Peut-être se noyait-elle un peu, elle aussi. « Je te suis dans un instant, » répondit-il. « J'aime beaucoup cet endroit et j'ignore quand j'aurai l'occasion de le revoir. » « D'accord. » Avar hésita, puis sourit, un sourire authentique et honnête, avant de s'éloigner. Elzar la regarda partir, puis il se retourna pour contempler les étoiles, le vide de l'espace, l'océan le plus infini qui soit. En contrebas, les arbres flammes s'agitaient, bruissant et remuant leurs branches. Il avait l'impression de se trouver en suspension au-dessus d'un véritable brasier. Il laissa sa conscience errer dans les ténèbres et observer. Observer. La force s'empara de son esprit. D'horribles visions défilèrent sous ses yeux, des événements qu'il ne pouvait comprendre, baignés d'une lumière violette et malsaine. Des Jedi, parmi lesquels beaucoup de ses connaissances, des amis et des collègues, horriblement mutilés, livrant des batailles perdues d'avance contre d'abominables choses qui vivaient dans le noir, des choses venues des abysses. Les Jedi, ceux qui avaient survécu, devaient fuir, non pas battre en retraite, mais s'enfuir réellement. Les visions lui transpercèrent l'esprit. La force hurlait une sorte de mise en garde ou de prophétie, fouaillant sa conscience sans relâche. Elzar tomba à genoux, un filet de sang coulant de son nez. Ses visions ne ressemblaient pas à des événements flous, de ceux qu'il était possible de prévenir. Elles semblaient inévitables, certaines. Le mal, l'horreur déferlant sur la galaxie comme la marée. Il vit des Jedi mourir, hurler, et finalement, il se vit lui-même incapable d'échapper à ce qui se profilait à l'horizon. Avec une lenteur atroce, les visions refluèrent. Elzar reprit ses esprits. Il eut un hoquet et des gouttes de sang éclaboussèrent le sol. Que venait-il de voir? Qu'avait-il vu? Le pire, ce n'était pas le chaos, les batailles, la douleur et les horreurs monstrueuses et inconnues surgies de l'obscurité. C'était ce qu'il avait vu dans les traits de chaque Jedi que la Force lui avait montré. L'ennemi le plus redoutable. La peur.